trance et rap parmi tous ces gens ici, le voici, le rappeur de Tess, pire que la vitesse, il s'installe ici, le voici, il prend ses textes dans ses rimes, il a que ça à dire dans sa bouche, il a mis le micro et sorti de dehors, pas très hardcore, comme tu sais très très fort, ici le voici, pour le MIC comme un pro. Il se met en damassé, il se met ici, il peut à commencer. Parmi tous ces gens-là, sans faire de blabla. Il se pose, parmi tous ces gens ici, le voici. Le micro est improvisé. Le micro est teasé, baptisé avec les gens ici. Le voici ici. Parmi tous ces gens-là, le voici là. Sans faire de blabla, le rappeur de Death. Le rappeur de Death, le voici ici. Ici, le voici. Il rappe parmi tous ces gens-là. Parmi tous ces gens-là, le voici ici. MC, t'as tu sais, t'as vu ici, le MC de Tess, MC de Bless, il te blesse ici, il te teste ici, tu meurs, il est parti tout seul d'ici. Malgré tout ça, il continue tout droit ici, il a dit tout ça, avec le voisinage ici, ça fout la rage, avec tout ça ici devant. Grandit dans la tête, ici, ici, ici bas, de gauche à droite, il bouge avec le regard très très louche ici. Malgré ça, il sait de faire beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prédire, comme l'avenir. Il sort de sa bouche ici, bah, mais les gens ici qui sont énervés, les gens ici qui sont fâchés, les gens qui sont calmés, les gens ici fâchés, estremés. Avec ça ici, il essaie d'estremer beaucoup de choses ici. Il prend au mot. C'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, il n'a pas qu'à faire. Les affaires sont outrées, les affaires sont outrées. Avec tous ces gens-là, il est touché. Touché d'en haut, touché d'en bas, le voici ici, avec tous ces gens-là. J'essaie de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prédire comme l'avenir. Drôner pire qu'un vautour en bas des tours. Voler pire qu'un vautour, ici le voici, ici bas. Ils cachent tous, parmi tous ces gens ici le voici. De sa bouche, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prédire, comme l'avenir. Il sort de sa bouche, ici le voici, avec ça à dire, avec ça que ça attire. Beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de choses à prédire, ici les rimes qui sortent de sa bouche. Le regard très très louche, le regard très très farouche, ici le regard très très rouge. Il essaie pas faire que ça, avancer ici dehors, ici comme chez Blanche de gauche à droite, ici avec tout ça c'est fou droit. Il sort de gauche à droite, avec l'avenir qui te disent beaucoup de choses à dire. Ça attire la combinaison, tu sais. T'avais une voix plus droite de cœur. Prends ça pour un mal de cœur, prends ça pour une rancœur. Ici, ici, tourné pire qu'un marteau piqueur. Tu tapes ici avec son cœur et le regard très très louche, ici le voici. Le regard très très bas, de bas à bas, il rappe parmi tous ces gens-là. Avec le micro tenu entre les mains. Le micro est tenu entre les deux mains, entre les deux mains, entre... C'est ça, entre les humains. Il te tient avec ses mains ici, il bouge que d'en haut, de la tête à gauche, il bouge que de gauche à droite. Franchement. Franchement. C'est du boom bap, c'est du rap old school, instru old school. Ouais. Ça s'appelle du boom bap. Ouais. Comment ça fait, je vais faire après. Commence à rapper. Vas-y. Yo, yo, yo, yo, le voici. Le voici, le voici. Commencez tout droit, sur son chemin. Il se lève tout droit chaque matin, avec les mains levées vers le ciel. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, ça fout l'arrache. Mais tous ces gens ici qui connaissent, tous ces gens qui l'ont vu grandir dans la tête, tous ces gens qui le blessent, tous ces gens qui l'ont agressé au MIC, dans mes gens. Tous ces gens ici qui l'ont vu ici dans la tête, ils essaient de se débrouiller, ils essaient de se débrouiller, c'est pas un débrouillard. Il bouge de gauche à droite, parmi les gens ici qui cochent dans sa tête est gâchée, parmi la mélodie qui s'en pense, tout l'argent qui est dépensé, tout l'argent apprivoisé qui bouge, avec le regard très très louche, il sait faire beaucoup de choses, avec la mélodie qui s'en pense, de tout l'argent que je dépense. Dépensé au MIC, t'as même tu sais, c'est le vrai rap français qui est marqué. Marqué au fer rouge, marqué au stylo, marqué au crayon papier. Ici, comme tu sais, tu nages ta papier. Avec le cœur de pierre, avec le cœur de pierre, avec la pierre, avec la pierre qui est touchée. Martin, après, laisse-moi sur cet instru. Touché vers le haut. Laisse-moi sur cet instru. Pose après. Vers le haut. Avec le chaleur, la chaleur qui met du poids à ton cœur. Pire que marteau piqueur, il te cogne ici, tourne ton cœur. Je pourrais pas cliquer sur cet. Malgré ça, ici, il fait beaucoup de bavures policières. Ici, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Mais c'est des débrouillés, parmi tous ces gens-là, malheureux de face ici, avec tous ces gens-là, tu connais comme un MC de Tess, MC de Bless, un MC qui t'atteste, un MC qui quitte la Tess. T'as quitté beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prédire, comme l'avenir ici, de voici ici. T'as traîné parmi tous ces gens-là, t'as traîné parmi tous ces gens-là, parmi tous ces gens-là. Ça va quoi? Bien? T'as traîné parmi tous ces gendarmes. Voici ici le micro pris dans la tête. Personne ne peut le blesser. Ou MIC, toi même qui sais. Prends le rap dans ton monde, prends le rap dans ton des cousins. Le cousin est dur, le cousin a fait un feu rouge. Il te touche, ça va tout droit au cœur. Le cœur est touché, les mains te mènent vers l'or. Les mains vers l'UC, vers l'or, alors si tu es dur, alors tu dors. Pire qu'un autre, tu dors. Et t'agresses avec le MIC, t'as mélange avec le MIC, tu fais que te mélanger à tout facile. Ok, c'est bon, tu peux me laisser sur celle-ci, Martin. Ok, ok. On aura beau être égaux, pas pour autant ex-écho. On aura beau être égaux, pas pour autant ex-écho. Ok. Garde en tête, l'ego trip n'est pas une compétition de l'être. On s'exprime au-delà de ce que l'on veut être. Peut-être est-ce dû à la flamme du poète. Le public salue les plus corrects. Un MC allume une politique qui ne nous est plus connexe. L'espoir est un rêve, j'aimerais bien le connaître. J'aimerais bien le connaître. Je suis à l'aise lorsque les MC disent à l'aide. C'est là qu'ils comprennent à quel point je suis balèze. Le blême pro de l'humain, c'est qu'il aime trop l'humain. Prendre l'arme d'une main, cela rend moins humain. On est ensemble ou ensemble. Société à 100%. On est dans la place. Toute vie a un sens. Société à 1%. La vérité ignore mes doubles. La somme j'adouble et je me dédouble. On m'a dit de rester cool, mais que faire? Babylone déboule. Je brise les soucis qui m'étouffent. Moi, chacun de nous, on est un tous. Mais si, durer la précarité, surer ma réalité. Plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. Durer la précarité, surer ma réalité. Plusieurs manières d'y arriver, à commencer par lutter. À commencer par lutter. Po, po, po, po. Vas-y si tu veux. Yo, yo, yo. Le MC de Death. Le voici ici, prends le micro, ici, dès qu'il te blesse. Il continue, il s'enchaîne, il se déchaîne avec les rimes ici, pas en impro. Les rimes qui sortent de sa bouche. Pas que ça à dire ici, il te tire le micro. Le micro est touché ici. Le voici ici, il te remplace. Faut commencer par lutter avec le MC. Le voici ici, il te touche. Avec le micro, il te couche, il te louche. Avec ça à dire, avec ça à dire. Ça te tire, ça tire beaucoup de choses. Ça tire beaucoup de voyous, beaucoup de voyelles. Oui, tous ces gens ici te clashent, mais tous ces gens ici. Le voici, couché par terre, ici, dans terre-terre. Le micro vaillant, il est écrit comme un héros. Peut en sortir brave avec son texte. Le texte est merci, le voici ici. Le texte est remercié, le voici ici. Ah, je reprends, ok. Ok. Les nuages laissent couler des larmes. Les feuilles tombent depuis des arbres. En auto-dessous mélancolie, qui va réduire mon élan de folie. Moi t'es qu'une arme de ici. Y'a les problèmes, y'a les soucis. En passe à fait j'ai, en passe à fait les choses à moitié. Donc l'heure est un peu sueur au poignet. Les aigles de ma, les ailes de ma plume sont déployées. Le besoin doit vivement m'éloigner. D'autres ne m'ont pas cette chance de festoyer. Cette chance que le tir soit bien cadré. Cause conséquence de projets carrés et de succès étoilés. Étoilés. La terre est nôtre. De même qu'une maison. Le soleil culture. Les saisons. Appelle-moi si le plafond est bon. Soit je tire, soit je perds la raison. Appelle-moi pour péter le caisson. En acapella ou en session. Je suis rappeur, admettons, j'ai fini sans me poser de questions. Sans me poser de questions. Tout au tout serein et solidaire. Bien que mon cœur soit solitaire. Tout au tout serein et solidaire. Bien que mon cœur soit solitaire. Le changement c'est nouveau, la suite c'est du renouveau. Du renouveau, du renouveau, car le changement c'est nouveau. Je vis, je fais, j'écris, j'apprends, sans savoir ce qui m'attend. Je vis, je fais, j'écris, j'attends, sans savoir ce qui m'attend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Métanoïaque, Yes, les métanoïaques. Les métanoïaques. On y va, j'ai la sœur forte, ceux qui me détestent auront le mort. Plus d'un feu dans ce corps, je n'aboie pas mais je mords. Que faut-il pour s'en sortir? Trouver une porte de sortie. Oh oui, j'allume, j'ai une ennemie et faux amis. Non, change. Je dors dans le parc à vous dire là. Ceux qui veulent venir me voir, ils viennent me voir. Ok, je continue. Yes, c'est bon. Être riche ne résoudra pas tous les problèmes. La morale, je lui dis au revoir, la bonne fois, à la prochaine. L'argent en fout les gens. Qu'es-tu prêt à faire pour ton compte en banque? Où est le sens? Il n'y a pas de fin en soi. La transcendance, une dernière danse avec ses choix. Pour la justice, tu sais, c'est utile. Dois-je le dire de manière lucide? Mon son parle au cœur, mais n'empêche pas de danser. Débrouiller art, rien de tel pour m'élancer. Ok. Nos vies ne sont pas semblables. Plein de gens en parlent. Ça vient d'en bas. Prêt pour faire chier les remparts. Ok. Ils disent de nous que l'on est bon qu'en art ou au foot. Les mêmes font partie de la foule lorsqu'on soulève la coupe. L'idéologie du racisme ne prendra pas racine. L'unité cultive la vérité et le libre arbitre. Chaque jour un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Ok. La survie auprès des mères plus. Celui qui veut me voir dehors ce soir, je mets droite à celui qui me vole. Je t'en vais dehors ce soir. Abonnez-moi à la place de Bottero. Au-delà, j'en ai même, j'en ai pas. Celui qui veut me voir là-bas, qui veut me voir là-bas, j'en ai pas ce soir, dans le port. C'est ça, ok. La survie auprès des miens plutôt que mourir auprès des tiens. Sourire et souffrir, ma définition du destin. Tout n'est pas blanc ou noir, dit le dame du soir. Le passé fait de l'humain une histoire. Le présent est un lieu d'observatoire et le futur, le besoin d'y croire. D'y croire. Dès que j'ai le mic, c'est cool. Seulement quand j'ai le gun, il court. Dès que j'ai le mic, c'est cool. Seulement quand j'ai le gun, il court. Dès que j'ai le mic, il court. J'ai fourché. On s'est chanté aussi. Martin, mais enlève le rap. Mets un truc de. Dans le champ. Si il veut, santé mentale alors. J'ai santé mentale avec des femmes. Les femmes, je kiffe les femmes. Je pèse droite, gauche, je m'en bats les couilles. Je me marrais plus, c'est une salope les femmes. Si tu m'arrêtes, mais je vais te mettre dehors. C'est une salope les femmes, je baisse droite, gauche. Je m'en bats les voix des femmes. En fait, nous, on est dans la liberté d'expression, en fait. On ne censure pas. On est dans la liberté d'expression. Comment ? Si c'est un lieu de discipline, mais il faut être. On a l'habitude. Mais c'est pas grave. Je me mets à la bouteille à des solutions par exemple. On peut se voir après, je veux, on peut se voir après. Externé, d'office. Externé. Ah, oh, je suis externé de vous. Pour quitter la rue, il n'y a pas un externé aujourd'hui. Là, on est au service intérieur. J'ai amené le CBD, c'est légal à toi, au CBD. Au CBD, j'ai amené le CBD. En instru, on a dit ça. Voilà, voilà. Le CBD, cette fois, on n'est pas autorisé. C'est pas mal, une force légale. Est-ce que j'ai un son? Non. Dans les jeux de cul, il y a. Dans les intrus, Irina, il y a du chat aussi. Intimidé par les micros. Moi j'ai trouvé qu'il avait un petit peu perdu de poids. Il a grandi 10 cm. Bonjour Isabelle, venez. Je vais là, je commence. Vous connaissez la radio? Pas du tout. Ça, ici c'est la radio métal. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. C'est totalement improvisé, c'est open bar. Je vais jouer. J'ai changé. J'ai les fans enchantés. C'est le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Les abeilles ont changé. Je veux que tu saches. C'est toi, dans les flammes. Je cherche ton cœur, pour que tu me manques pas. Pour que tu me manques pas. Je vanterai juché. Mesdames, je vous ai un café.

Regis, Boom Bass, Zidane, Democrat D, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking those shorts at 93. Peace. It's the good and the bad in the mind. On est en direct sur Binote. On fait une petite pause, c'est les journées portes ouvertes de la radio à Ville-Évrard, secteur 14. À Bondy. Voilà, donc vous êtes bienvenus si vous voulez venir nous voir. Ou pas, j'entends un truc bizarre sur ma voix. Alors, c'est comme ça faisait un phénomène de phase. Hey, ça marche moyen. Allô, tu veux mettre plus fort? Tu dis s'il faut mettre plus fort ou pas? Allô. Vous entendez là? Allô. Asseyez-vous à votre compte place. Allô. Allô, tout va bien. Vous entendez? Non. Allô, si, j'entends, attends. Attends, parle. Allô. Prenez le micro. Ouais, attends, c'est quoi les numéros? C'est le 1. Non, c'est pas les mêmes. Ah, c'est ça, il faut... Non, les deux, c'est... Attends, les deux. Attends, essaye, là. Bah oui, on a fait des Allô, là, vous entendez? Sur la lune, à toi. Qui nous emmènera voir mes rêves de gosse et tu t'y reconnaîtras. Et pour toi, ma jolie, le vent, ce magicien, te jouera une symphonie de mille musiciens. Là, nous verrons la terre musicien, c'est chanter. Où le ciel se voit depuis le rêve blanc. Un peu d'amour sur la radio métanoïaque. Il n'y a pas que du rap. Madame Levasseur Martine. Madame Levasseur Martine sur Radio Métanoïaque. Pour sa deuxième fois à la radio. Quelqu'un a envie d'écouter quelque chose ? Cansado ya de aguantar a papá, de ti, de emanciparme. Je vais arrêter un peu. Vous arrêtez un peu ? Oui, je me propose. Eh bien, merci pour avoir participé. Et à bientôt. Mino ce fue, mas que un tronco bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le pone mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. ¿Y para la psicose, là? Un micro flottant. Un micro flottant déjà, là, mais là, je délirais pas. Hein. Ouais, le délirant. Le délirant. Le délirant. Le délirant. Ça, c'est pour un corps, ça. C'est une connexion pour. C'est un presse-oreille. C'est pour presser les oreilles. Ouais, ouais. Presse. Ah ouais. Vamos a la luna, vamos a partir, antes que haya otros que lleguen hasta allí. Toma la guitarra y tú el trombón, y vamos a la luna y poner el rock. Mais là, ils sont dans mon corps. Creo, creo, creo que en la luna, lo nuestro va a gustar, porque agrada al mundo entero el rock and roll y el jazz. Ah ouais. Mais après la question elle est curieuse hein. Par définition on peut y projeter ce qu'on veut dans les extraterrestres. S'ils sont beaucoup plus développés que nous, ils peuvent très bien être ici. Mais on les voit pas hein. Tu mets ce que tu veux dans les extraterrestres. Est-ce que tu connais le paradoxe de Fermi? Paradoxe de Fermi? Ah, Mohamed il cherche. Le paradoxe de Fermi, c'est le paradoxe qui dit et les extraterrestres existent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant? Et est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y a pas d'extraterrestres? Parce qu'à l'échelle des temps, sur une échelle de temps cosmique, l'espèce humaine est là depuis pas longtemps du tout. Donc la probabilité que les extraterrestres existent, enfin si on considère qu'ils existent, ils sont beaucoup plus vieux que nous. Parce que nous, on est nés il y a une seconde, quoi. Tu vois? Donc si eux, ils sont beaucoup plus anciens que nous, ils sont forcément plus intelligents. Mais ils seraient répandus. Pourquoi est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est seul ou pas? Est-ce qu'ils sont déjà morts? Est-ce qu'ils ont existé et sont morts? Dissertation. Mais il y a aussi la théorie qu'on s'appelle la théorie du bois. Il y a deux théories. Il y a la théorie du zoo, l'univers zoo. C'est-à-dire qu'on est soumis sous grille. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux autres parce qu'on est sous observation comme des animaux dans un zoo. Ouais. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à contacter les autres, tu vois. Et l'autre, c'est la théorie de l'univers de la forêt profonde. Bonjour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'état paranoïaque entre les civilisations, donc tout le monde est caché. Donc s'il y a une civilisation qui apparaît, et les gens s'entretuent. Voilà, c'est les deux théories qui peuvent expliquer pourquoi, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui de contacter les extraterrestres, les radiotélescopes, on n'a pas encore contacté des gens. C'est la paradoxe de Fermi, ça s'appelle. Ah, la paranoïa, la parano de Fermi. Paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi. Mais j'ai d'autres réponses à ce paradoxe. Vas-y. T'as la théorie des filtres aussi. C'est quoi ça? Qui dit que toute civilisation est soumise à des menaces existentielles et qu'ils contrôlent plus ou moins. Par exemple, une météorite qui se crache sur la planète avant que t'aies la technologie pour pouvoir les anticiper et les détruire avant, bah t'y es soumis. On a eu quand même des destructions avant. Bien sûr, mais du coup, plus tu avances, plus tu progresses, et plus tu te prémunis contre ces filtres. Ouais. Mais du coup, des nouveaux apparaissent. Donc, on continue de gratter, quoi. Hein. Du coup, nous, en tant qu'être humain. T'as pas de micro, toi? T'es coupé. Non, on t'entend pas. Attends, là, attends, vas-y. Du coup, s'ils arrivent là, voilà. Ça va faire un Mars Attack, c'est ça, comme Tim Burton. Je sais pas, ou alors ils sont déjà partis. Moi, je pense qu'ils sont déjà partis ailleurs. Ah ouais? Tu vois, si tu pars sur la théorie du multivers. Ouais, j'aime bien celui-là, le multivers. Je veux dire, ils sont si évolués qu'ils ont réussi à se déplacer et partir ou se créer leur propre univers, tu vois. Ouais, le multivers. Ils s'en foutent de nous. Ouais. Ils sont partis ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Non, ils sont dans des existences parallèles. Ils n'interagissent pas forcément avec nous. Ils sont partout ici. Ouais. Là, par exemple, c'est pour ça aussi, dans la schizophrénie ou dans la psychose, peut-être tu as des contacts avec des subtilités de l'existence que les autres n'ont pas. Donc voilà, peut-être tu as des voix partout, comme la radio, tu as des voix, tu entends partout. Donc, là, il y en a des voix, mais on n'entend pas parce qu'on est... Enfermé. Vas-y, Adrien, vas-y. Bah, ça me fait dire que du coup, si on réfléchit comme ça, ok, on capte des signaux, donc ça veut dire que nos sens ne sont pas. Enfin, l'impression qu'on a de nos sens est limitée. On peut les utiliser différemment. Et en quelque sorte, une personne schizophrène capte des signaux que une personne non schizophrène ne capterait pas. C'est ça? C'est ça. Ok. Mais il y a aussi le fait que... Parce que l'idée qu'on a pour la... C'est ça, Mohamed, tu sais. Mohamed, par exemple, lui, il capte plein de choses, lui. Tu vois, par exemple, ils ont donné la chaise, il s'assoit. Regarde, il parle de Peugeot parce qu'il a travaillé à Peugeot. Ouais. Mohamed, il est connecté avec toute la ville, par exemple. Et il va plus vite que la lumière. Des fois, je les croise au CMP et il arrive plus vite que moi ici. Ouais, c'est ce que nous disait Jason hein, à chaque fois. Ouais, non, mais il va trop vite. Ouais. Il va à la vitesse de la pensée. Il est partout. C'est ça, Épicure. Épicure disait que la vitesse de la pensée, c'est plus vite que la lumière, tu vois, parce que tu vas aller à Saturne. Saturne, ça prend 15 minutes la lumière. La pensée, ça, elle y est direct. Ah. Voilà. Bon, voilà. Hein. Et voilà, mais la théorie de la forêt profonde, elle est bien maintenant, bien en vogue. Il y a le numéro dernier de la revue Science Vie, tu vois, des divulgations scientifiques, mais qu'il parle beaucoup de ça. C'est parce qu'il y a jusqu'à il y a 20 ans. Une paranoïa cosmique. Il y a 20 ans, on comprenait qu'on ne pouvait pas être connecté parce qu'on n'avait pas le moyen. Aujourd'hui, on a quand même des signaux de radio partout, on capte des choses, donc ça devient un peu rare qu'on n'a pas connu quelque chose, mais peut-être parce que la vie, c'est rien à voir avec nous. Et vous en pensez quoi de la zone 55 ou 52 ? 51 ? Ouais, la zone 51. Ah, je sais pas, moi j'ai tendance à penser que ça c'est pareil. C'est quoi la zone 51 ? La zone interdite aux États-Unis, militaire. Ah oui, l'OVNI qui s'est écrasé là. Ouais, apparemment. Je sais pas, je veux pas. Je m'y intéresse pas. Ah ok. Là, on peut projeter, on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Ah ouais. C'est déjà juste Men in Black 1. Ouais. Juste Men in Black 1. C'est de la politico-cosmos, tu vois. C'est de la politico-cosmos. Des relations des relations cosmiques. Vous connaissez les relations internationales. Politico-cosmos. Politico-cosmos. Politico-cosmos. Bah, ils font des affaires quand même avec. Ouais. Ils ont une politique avec les extraterrestres, tu vois. Ouais. Ils organisent leur voyage. C'est marrant. Destination. C'est-à-dire que dans Men in Black, c'est comme si tous les extraterrestres fonctionnaient comme des humains finalement. Ils se cachent. Des passeports, des. Bah ouais, mais. Des business. Bah ouais, ils fonctionnent comme des humains, mais c'est une couverture pour cacher qui ils sont vraiment. Est-ce qu'on repart sur du rap ou pas? Tu peux avoir un micro là, si quelqu'un veut participer au débat sur les extraterrestres. Ouais, fais comme tu veux, frérot. Les extraterrestres. Oh, ça m'a fatigué le cerveau. Hey, je t'ai dit, faut parler en mode délire, ça. Sinon, t'as une surcharge cognitive quand t'es sérieux, quand tu réfléchis. C'est horrible. Je suis occupé, je suis chargé là. Tu vois là, il va me détendre lui. Lui, il va me détendre. Là, je suis déjà bien, t'inquiète pas, bon dîner, on est en place, je vais faire ce genre de choses. Ouais, bon dîner, on est en place. Champion de France en boxe. Mon fils, il a 14 ans, il est champion d'Europe. À 14 ans d'Europe, je me mets une droite à côté de lui, je me retrouve dehors. Ouais. Je mets une gauche, je mets une droite. Et il a porté plainte. Et les mineurs, j'ai tapé mon fils, et je me suis retrouvé au tribunal, et ils m'ont interdit chez moi de la maison. Et là, je suis SDF maintenant. Je suis au jugement. T'es en jugement, je sais. C'est qui qui a écrit ta lettre. C'est toi qui m'as écrit la lettre. C'est qui? C'est toi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Attends, je mets une chanson. Berbère. Mais lui, t'as la chanson douce pour le calmer, pas de rap. Non, je vais vous faire calmer, je suis très calme. Moi, je vous ai toujours entendu mettre des chansons douces hein, jusqu'à maintenant. À chaque fois, c'était des chansons sentimentales. Ah, Mathéus. Mateus chegou. Agora sim. Bela vie, je connais. Et une sauce. Le volume, ça va? Ça va, ça va, esa cinturita, uy. Se pasa el fondo Brasil, ¿eh? Mami, yo te voy a dar cachapla, cachapla. Ah mais nous on veut écouter du Chim Mai. C'est pas ça le funk brésil mais quand même. Brésilien de la place. Non Martin là sur le funk brésilien t'es. Ça c'est pas le funk brésilien. T'es pas dedans, t'es pas dedans. C'est pas moi qui l'a fait. C'est pas le brésilien. Je sais pas. Non je suis funky carioca pas funky brésil. Italien versus. Très truc. Rap flamenco. Ah t'es vas ça hein Mateos? Flamenco tu aimes pas? Bah ouais vas-y. Ça danse Métanoïac. Yeah yeah yeah yeah. C'est la radio Métanoïac. Yes. On est dans la place. On est dans la place. On est dehors, on est dans une CPVR, mais j'ai mis de l'alcool, j'ai fumé du cannabis, du tabac. Bon, tu non. Je mets dehors, genre dehors, ce soir, à bout du nord, c'est mes potes. Le rang noir, qui parle, qui fait le tour du matin, du matin, du dormeur. C'est lui qui vient me casser les couilles, je défonce de sa mère la pute. Yeah, yeah. C'est de la boxe style. Et je suis dans mes petits amétages, mais je suis en forme, je fais du sport. C'est lui, genre, je fais du sport. J'ai une fraction sur les deux, mais t'inquiète pas, je me défends bien comme il faut. Ouais, je me fais pas de soucis là-dessus. Je me défends un policier, regarde, je défends un policier. Mais je sais pas, mais s'ils se prennent pas du cœur, les police nationale, ils sont gentils, les police municipales, ils sont durs. Je défends un policier municipal, regarde mon tour comme il est infecté. Ok. Je suis en garde à vie il y a pas longtemps là. Je suis passé au dépôt. J'ai pissé dans la. Parce que j'appelle le chef de poste, il ne voulait pas venir, j'ai pissé dans la cabine. Elle est venue, elle m'a dit pourquoi tu pisses, je vous ai appelé deux fois, vous venez même voir, elle m'a dit, je t'ai pas entendu, va dans les toilettes, je dis, elle m'a passé deux, je m'ai libéré. J'ai intéressé chez moi. Ça ressemble à du rap, hein. C'est du rap. J'ai intéressé chez moi. Jusqu'à moi, je sais pas si j'entends pas avec ma femme, je veux juste l'argent. C'est un rap de vie. J'ai 50 euros par semaine, je prends tout mon argent de loyer. J'ai pas mis ça en seuil de voir. J'ai 16 000 euros de loyer, j'ai mis 20 000 euros. Je peux loyer, j'ai 50 euros par semaine. Quand même 50 euros par semaine, maintenant je vais arrêter le loyer parce qu'on est 3 mètres dehors dans le foyer. Yeah, yeah, yeah. C'est vrai qu'il y a des personnes, c'est pas ou pas? Foyer. Foyer. Je ne pars pas au dormir ce soir. Je suis dans la carrière, je connais mes potes. Là, je vois mes potes. J'ai 50 ans. L'amitié. Ne t'inquiète pas, l'amitié est toujours là. On se bagarre pour une bière. On est toujours des potes. On se met des droites, on se couche par terre. Lentement, on se fait connaissance. On prend une bière. On est défenseur, on se bagarre. Mais quand on se réveille, on est encore potes. C'est ça, les meilleurs amis. Ah ouais. Ah, c'est un yes, ça c'est de l'amitié ça. Mais l'amitié, le problème c'est qu'ils n'hébergent pas la maison, ils ont peur que tu voles. J'ai un voleur moi, j'ai un voleur. Un vrai voleur. Je veux le budget, je veux le champagne, je veux le jeter, je veux les montres, je veux tout ce que tu canaille du canard. Je suis 50 euros par semaine. Pour le vendre au marché, j'attends mon dénor. Si j'attends, je vends 150 euros de 20 euros. Je gagne 10 euros, 20 euros, j'achète une tabac volée. Si je mets assez d'argent pour un tabac volée, je veux le voir. Je veux pas dans le magasin, je fais la manche. Je fais la manche dans le DOD. Tous ceux qui connaissent Boudina, vous connaissez le DOD. À Monoprix. Je suis toujours à la manche là-bas. Si vous voulez me reconnaître Boudina, je fais la manche là-bas. Parce que j'ai pas d'argent, le plus rare, mon 50 euros. Pour cette salope que vous m'avez dit. Et maintenant, j'ai pas. Merci à notre chroniqueur. Je veux plus la manche. Maintenant, je veux plus faire la manche. Parce que ma femme, j'arrête de payer le loyer. Je le mets dans la caille de lettres, ça mon gars, comme ça je gagnerai 100 euros par semaine. Ok, merci. J'ai juste un truc, un bonhomme, un vrai bonhomme. J'ai connu la misère, j'ai connu dehors. En 90, j'ai quitté mes parents, mon père, ma mère, il y a 15 ans. Avec la sœur, elle avait 30 ans de plus que moi. La sœur à sa femme. Et ma femme, mon ex-femme, elle a 69 ans maintenant. Elle a 70 ans. Alors j'ai quitté mes parents, j'ai un bonhomme, je dormais dehors. J'avais 17 ans, je dormais dehors. Jusqu'à 20 ans, 18 ans, j'ai commencé à étudier, j'ai un CAP maintenant, J'ai commencé à travailler à Chaplin, à réparer les machines. J'ai réparé les machines, J'avais les paroles qui me parlaient dans la tête, Travail. J'ai fait le Rokhaya, j'ai tombé sur 5 étages de l'escalier, j'ai déjà vivant, je suis là, je suis plus parano maintenant, je suis plus vrai, je vois d'un col maintenant. Je suis là, mais je suis pas là, couillard maman. Vas-y, allez, ensemble. Ouais, merci, merci pour tout ça, merci pour ce partage. La belle vie, je connais, il me sens. Je suis là, mais je suis pas là. Que la maman. Je devais mettre un autre truc. Le musique commence. Ouais, ouais, je sais. Je ne veux pas le passer ici. Quoi? Normalement, il n'y a pas de chasser pour pas baver, mais. Ouais, t'inquiète. J'ai déjà accédé. Ouais. L'alcool, il défonce le médicament. Ça fait money. Parle au micro, Je suis là. Mais je suis pas là. Tu es là, mais tu es pas là. Je suis là. C'est la physique quantique, on parlait de ça tout à l'heure. On a un pourcentage de probabilité qu'on soit là et un autre pourcentage qu'on est ailleurs, tu vois. Si tu calcules la vitesse, tu trouves plus tu perds la position. Non, c'est que plus, ouais, plus tu détermines la vitesse, moins tu sais la position. Plus tu sais la position. Ouais, voilà. Ok. Chata. Señorita Macabella, Macabella, señorita. Señorita Macabella, Macabella. Vas-y, je laisse. Ok. Attends, vite fait. Attends, je pose vite fait sur ça. Attends, vite fait. Regarde. Ok. Chata. Ok. Chata. Joli vos lunettes. Je t'aime la santé mentale, je t'aime de sentiments sales. Je t'aime la santé mentale, je t'aime de sentiments sales. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tu peux jouer, hein. Tu peux jouer, Jukolele. Aïe aïe aïe. Chat. Le thème la santé mentale, je t'aime de sentiments sales. Le thème la santé mentale, je t'aime de santé mentale. Twerk. Yes, Sam. Yeah, c'est bien. Voilà, on s'amuse, on est la porte ouverte Radio Médanoïaque, on est... Tu peux mettre le téléphone là, sur celui-là, là, il est attends. À 32, il est à 32, tu peux le mettre... Il faut que je chante un Marocain, il chante sur la 32, un petit clé sur la 32, il est à Marocain. Même la, enfin, j'écoutais la musique, je vais tout entendre aussi. C'est la musique berbère ? Non, la musique arabe. Et la, vous allez le monde dans la salle 2, ouais, et passe à la politique. C'est Nasserewan. Kabil. Nasserewan, Nasserewan, c'est pas le Kabil, c'est l'arabe. Nasserewan. T'es de quelle origine ? Marocain, berbère, mais c'est d'arabe ça. Ah, ok. Je sais parler l'arabe, j'ai vécu 15 ans dans le Maroc. Marco, il a fait okay. Tu veux mettre la musique, s'il te plaît ? Vas-y. Lance, lance. Attends, je vais éteindre un truc. Au final, t'es venu. عمرني ما ريت الغزال تمشي بالمهماز فراخ الخير عمرني ما ريت النخلات عطي حب الغاز بعد التمر فوت بالاحب يا من هودي يا من هودي ما في الشمع عدتني مريم مريم مريم مريم يا بتي مالك عجاب قدمك معجاب واش متباب عرشتي واش متبنت فيك ترى تخيني طلع في الجمهور في النار كثير بريزيد يسخن البوليجن عن بوليجن معك سبس بيت بارتو يا عن بوليجن معك انا قاعد من ادم نبغي انا داعي من باك الفين فين غادي بيا فين غادي بيا خويا فين غادي بيا فين غادي بيا بين نار ورماد وعيون العذاب والفقر حيث هذه الفقر Hey, les métanoïaques, allez, voilà, on a écouté un peu de musique de tous les continents, de tous les lieux, de tous les endroits. Se tarda el alba, pues se tarda el alba. Luna que brilla en los mares, los mares oscuros. Luna, tú no estás cansado, hay de girar al mismo mundo. Luna, quédate conmigo. Y aún no te vayas. Y es porque dicen que a veces ahí se tarda el alba. Hierro para yunque, hay una cuando yo te miro. Hay el silencio en mi pedazo, hay cuando por tu suspiro. Me gustaría con mi mano abrazarte y con mi manta codiarte. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. C'est un lieu historique, la Colombie, la Colombie. chanson. J'ai aimé la voix de Tania qui chante la chanson. Et pour moi, c'est une chanson qui est triste parce que en tant que malade, j'en... Je pense que je suis bien entouré pour qu'on puisse me guérir. Ouais. Je suis bien entouré, je suis entouré avec des médecins, je suis entouré avec des infirmiers, et avec quelques patients. Et c'est là que je vois autour de moi qu'ils sont là pour m'aider. Et je fais ce que je peux pour accepter de l'aide. Voilà. Mais vous pensez que votre maladie, quoi, c'est la tristesse ? Oui, c'est la chanson que j'ai écoutée, elle est triste quand même. Parce que j'ai besoin de me soigner et j'ai peur d'être plus gravement malade, quoi. Donc c'est pour ça. Peut-être une chanson plus joyeuse peut vous aider ? Vous connaissez une chanson pour vous mettre, pour monter la morale ? Oui, je connais des chansons, beaucoup de chansons, mais je ne les ai pas apprises par cœur. Par contre, j'en connais beaucoup. On peut les retrouver sur le portable, je sais. Ouais. Sur internet. Peut-être tous les noms, donnez-nous un titre et on la cherche. On peut les... Je vais essayer. Quel titre que vous voulez que. Donnez-moi un conseil. Quelle chanson vous voulez que je chante ? Un chanteur que vous aimez. Peut-être. Allez, Johnny Hallyday. Allez. Attendez, je cherche. Omari, c'est bon, Omari, non ? La chanson ouais. Marie. Ouais. Il y a comment s'appelle la bande de créole, ça ? C'est bon pour les morales. C'est bon pour les morales, tu connais ? Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à la radio. Ouais. Donc on peut. J'ai un petit souci. J'ai un petit souci avec l'internet, je capte pas l'internet. Mais ici on l'a sinon. Tania est là. J'ai un petit souci, c'est que mon portable. C'est ça ? Oh Marie, si tu savais que le voilà. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais. Malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh, oh, oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je mourrai toute la journée sans savoir je vais dans le bruit, dans la fumée. Ça marche. Mets ton casque si tu veux. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure. L'abordage. Toujours à l'abordage. Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. Si lo busca rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tu mano nunca a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Est-ce qu'on peut choisir une musique? La noche que yo nací, cayó la luna, cayó la luna, cayó mi cuna, me cayó la cuna, cayó la cuna. Yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. Noche que yo te vi, arriba la luna, luna y el sol, como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende. Ouais. Est-ce que je peux mettre une musique brésilienne? Thank you. Non, ok. Se vai ter esse bem que tu bem safado, mano. Eu essa vida de fato, precisando de tengo, não é. Eu tenho aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só sou querendo você, eu só tô querendo você. Precisando de tengo, não é. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, eu só tô querendo você. Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes. Quando você vai ser bem, tem que ter meu lado, eu sei. Que a minha fama não é bom, eu tô, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de fato. Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ser? De ter meu lado, eu sei. Que a minha fama não é bom, eu tô, me chama de beijo safado, mas eu não quero mais essa vida de farra. Tô precisando de tempo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, só tô querendo você. Tô precisando de tempo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você, só tô querendo você. Um abraço, Oscar, Gerissal. Tamo junto. Essa filha é de 7h. Olha, vamos acertar alguns detalhes antes de continuarmos. Primeiro, se você continuar me enchendo de perguntas, eu nunca conseguirei terminar a história. E segundo, eu também não sei o que é níquel, mas acho que deve ser um metal assim como ferro. E o que é um metal? Você deve estar dizendo. Ora, metal é metal e não vamos... Maria Júlia. Maria Júlia. C'est moi qui parle. C'est moi qui vous attend pour participer. Ben oui, c'est moi qui vous attend pour participer à l'émission du jour. Ben bien sûr, mais prenez. Installez-vous Maria Júlia. Mais vous vous souvenez comme mercredi. Prenez un casque. Vous mettrez Bonjour Maria Julia, bienvenue à la radio Metanoia. Je vous rappelle votre gendre, c'est ça? Mais venez parler dans le... Je vous entends pas, parlez dans le micro. Parlez dans le micro. Rapprochez-vous. Mais je connais rien de micro. Mais si, vous êtes... Vous étiez là mercredi. Vous nous avez raconté... J'ai envie, là, je sais pas si je suis morte. J'ai mouru, j'ai mort encore. Ouais. J'ai mouru encore. Oh. En tout cas, vous êtes bien vivante. On est des morts vivants. On est des morts vivants? C'est-à-dire? On est tous morts. Déjà, avec le Christ. Ah, avec le Christ, mais le Christ a ressuscité. Oui, mais on a ressuscité avec le Christ. Donc nous sommes morts et ressuscités. J'ai pas trop sur la Bible. Ah. J'aime bien écouter. Non mais, rapprochez-vous du micro, qu'on vous entende. Bonjour, excusez-moi. Bah, vous êtes pardonné. Ça va pas parler au micro. Mais vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné, on vous pardonne tout ici à la radio Métanoïaque. Le Seigneur, il pardonne toujours tout. Exact. Même le pire péché qu'on fait. Exact. Vous êtes toujours pardonné. Yeah. Qui c'est qui? Ça dit quoi? Mon patron. Là, c'est mon patron. C'est du rap. Faites du rap? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour un... Vous voulez nous... Je vous mets une petite instru? Ouais, une instru de rap, ouais. Allez. Bougez pas. Excusez-moi. J'essaie de faire ça. Oh mon Dieu. Il fait froid? Il fait froid? Non. Le courant d'air peut-être. Pour la gorge. Oh mon Dieu. Vous m'aviez traîné dans ces choses-là que je ne connaissais pas de ma vie. J'ai parlé la première fois, à 3 semaines, la première fois au micro, à chanter une chanson pour moi à la fin, il n'y avait pas de commun. J'étais une chanson à 3 semaines à l'église Saint-Michel, qui a eu un blocage samedi, j'ai parlé au prêtre. Il a pleuré quand je lui ai parlé de ma naissance. Et dimanche à l'église, la fête dehors, j'ai fait du pain, j'ai fait un gâteau de roi, j'ai tout apporté, j'ai tout mangé. Et j'ai parlé la première fois au micro, la deuxième fois ici avec vous. Si lo busca rico fascinante no soy yo, yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tu mano a un contigo como yo, ni por supuesto. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos, así que niña no te enfades porque te diga la verdad. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Llegará el día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chica hablará de mí con ilusión. Se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas ni te preocupes más por mí, porque muy alto volaré. Me he enrollado tanto que hasta a él yo le mentí, que es perfectísima bondad, pero aún me puede Mateo, perdonar. Matías. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego, ya está en el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y no me arrepiento, aunque recomenzaré. Enrollándome como un Apolo, siempre he mentido, aunque nadie lo haya sabido, porque la única habrá sido tú. Y yo sé que he luchado como muchos la vida y a la postre solo he pagado una lágrima de más. Bon, on va bientôt pouvoir mettre une instru quand on aura trouvé comment arrêter cette musique. En attendant, Ouais, on va fermer la porte. Maria Giulia. Elle est là présente. Elle est là présente. En chair et en os. En chair et en os. Donc plus vivante, très vivante finalement. Je sais pas si je suis morte ou si je suis vivante. J'étais morte et j'étais ressuscitée. Oh, ben j'ai mis en vie aux enfers. Ah ouais. D'accord. Dans un puits, pire qu'un puits. Pire qu'un puits. Je suis montée, ressuscitée. J'ai pleuré les larmes des yeux. J'ai commencé à rigoler, j'ai fait ma thérapie moi toute seule. C'est instantané. International. Thérapie. Avec l'intelligence artificielle, on va vivre jusqu'à 150 ans. Dans le futur, dans le futur. Et comment, comment ça va se passer ça? Ah, mais ça, on va vivre jusqu'à 150 ans. 150 ans? Dans le futur. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à 150 ans? Et après, on va être nombreux, on va se donner des coups de pied aux autres parce qu'on va être nombreux. Et dans le paradis, on va être nombreux, on va être nombreux aussi, on va se bagarrer. On va se bagarrer. On peut peut-être arriver à tous s'entendre. Je serai encore là parce qu'on est fait pour vivre éternellement. Ah. On est toujours vivants. Les morts, les vivants, tous sont vivants. Tout reste. On reste éternellement. On reste éternellement. On se transforme. J'essaye de suivre. Ça, la vie. Martin, on souhaitait mettre une petite instru de rap là. J'avais commencé à mettre un truc, mais il y a une musique par-dessus. Je suis en train de régler le problème de transmission internet, mais c'est bon là. J'étais avec les gens de. Tu sais, il y a les gens de Pinot là, il y a Nicolas Herbert qui est à Mulhouse. Et à Mulhouse, elle est en train de contrôler tout ça qui fonctionne. Ah ouais, bah merci. Toi, la radio, c'est. C'est paranormal, ça communique à travers la distance, sans fil, invisible, c'est la magie. Oui. Ah, mais moi je passe des recettes, mais il me demande ma recette. Mais monsieur, ma recette, c'est ouais. Magique, c'est artificiel, c'est. Ouais. C'est miracle, ma recette, je ne la donne à personne. C'est quoi votre recette? Je ne la dis pas, c'est ma mort qui sera ma recette. Parce que c'est invisible, ma recette. Vous l'écrivez quelque part ou pas? C'est invisible, ma recette. C'est pour ça que je suis dynamique. Bah c'est bien, attendez. Alors, mais vous allez un jour vous donner votre recette, non? Mes collègues, ils m'ont demandé la recette, j'ai passé ma recette, mais ils disent, mais mon docteur, il ne peut pas me la donner. J'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas docteur, pas le diplôme. Mais vous avez la recette pour quoi? Pour être heureux, c'est ça? Oui. Ah! Ouais, vous le donnez un jour, j'ai la recette. J'ai donné ma recette. Ouais, ouais. Le médecin, il m'a donné ma recette à moi. Ouais, commencez tout doucement, parce il te dit beaucoup de choses. À l'auteur. Beaucoup de choses à prédire, comme l'avenir. Il dit que je peux rien il sort faire, de moi. Sa bouche. Un regard très très louche ici, il te regarde. J'ai pas le diplôme. Il te bombarde parmi les regards qui tuent. Le voici ici, il te fume. Il prend le micro, il rappe comme un pro, ça y est, il commence. Tout doucement, toi, tu sais, c'est du rap. Du verrap qui sort de sa bouche. Parmi tous ces gens ici. Et ici, il rappe parmi tous ces gens-là sans faire de blabla. Il s'oppose avec le micro. Tu bouges de gauche-droite. Avec le passe-gauche, tu passes du temps à faire beaucoup de choses. À te dévisager, à marquer beaucoup de paysages qui font la rage. Avec tout ça, le voici ici. Un jour, finira Bercy. Comme son dit, il a réussi. Le voici, ici, le voici. Le merci de test, le mec de test, qui conduit que la vitesse. Commencez encore et encore, tourner pire qu'un freestyle. Tourner debout, dehors, pas très hardcore, parmi tous ces gens ici, parmi tous ces gens-là, sans faire de blabla, ils s'opposent. Ils se reposent, des rimes en grosse dose, parmi tous ces gens-là ici, ils grandissent vite dans la tête. Son nom, c'est Madness, plus grave vitesse. Il est connu ici, il rappe le plus, il rappe comme une piquesse. Il te met des coups dessus, dessus en puant dessus, dessus en suant dessus. Là il rappe en dessous ces gens ici de Vassy. Il rappe en dessous ces gens là. Ces gens qu'ils connaissent, ces gens qui l'ont vu connaître, tous ces gens qui m'ont vu grandir dans la tête, ces gens qu'on appelle Madness, tous ces gens qui m'ont connu dans la tête, ces gens ici, les voici. Un jour, finir à Bercy comme sans dire enfant, lui, il a réussi. Il est connu dans toutes les têtes. Madness, le rappeur de tête, que dans toutes les têtes. Il te blesse, ce qui t'agresse. Martine! Avec tout ça, tu vas où? Avec tout ça, le voici ici. Je veux que tu vas. Tu vas, tu vas. Avec tous ces gens là. Ici, de voici, avec tout ça. Tu montes de haut. Tu restes là. Tu montes tout droit. Avec le micro. Tu vas pas partir. Hein. Le micro, il commence tout droit. Avec beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à prédire ici. Pour un appart de Dieu, un appart de choses. Beaucoup de choses à prédire, beaucoup de choses à venir, on sort de sa bouche. Un gars très très louche. Et qui sort le micro, ça y est, tu te couches. Il est ici, le voici. Un jour finira Bercy, comme ça on dit, là il a réussi, le voici. Big up. Merci, merci pour ce freestyle. Merci pour l'accompagnement à la percu. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Dans la place. Dans la place. On est en direct sur Pinot. On est les Metanoia, porte ouverte. Porte. Voilà, porte ouverte. Vous savez quoi qu'on n'a pas. On n'a pas encore commencé à parler des choses. C'est quoi le sujet aujourd'hui? De quoi on parle, Maria, aujourd'hui? Santé mentale. Écoutez, on est tous, tous un peu mental. C'est la vie. Hein. Dieu nous a fait comme ça. On est venu au monde pour le meilleur et pour le pire. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Il y a des moments bons, des moments mauvais. C'est comme ça la vie. C'est la vie. L'argent, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la vie. J'ai déjà dit ça. Il faut faire avec. Il faut faire avec. Il y a beaucoup plus. Il parle. Tu veux parler, Magali? Tu as une chose à dire? Prends un micro. Le brésilien, il parle pas. Mathéus parle. Tiens, et Adrien, tu peux donner le micro là à Magali? Oh, reste là. Voilà, Magali de retour sur les ondes de les métanoïaques. Magali qui est poète, connaît toute la poésie beatnik des années 70-80. Voilà, tous les poètes, William Burroughs, tous les gens qui nous aiment bien, Brian Geising, toutes nos influences traditionnelles aujourd'hui, mais à l'époque c'était l'avant-garde pure, ça restait l'avant-garde. Hein. Magali, tu veux dire quoi aujourd'hui? Bonjour Martin. Bonjour. Je suis très contente d'être ici pour les journées portes ouvertes. Ouais. Parce que je trouve que c'est une extraordinaire occasion pour échanger tous ensemble, tout ensemble. Je suis contente d'avoir revu aussi des gens du GEM de Bondy. Et puis certains patients, certaines patientes, comme Martine Levasseur, que ça me fait plaisir de la voir. Et puis l'équipe de la radio, l'équipe du club, l'équipe du journal du vendredi et Docteur Serra, toutes les équipes. Donc je remercie tout le monde et je suis ravie d'avoir pu participer aux journées portes ouvertes avec tout le monde. Merci. Ouais, super. Nous sommes très contents que tu sois là, Magali, parce que Magali, il était au début de la radio, de la chronique de poésie visuelle. Et puis voilà, fait de... tu continues à faire de... Alors, dans le journal du vendredi, on publie plusieurs rubriques. Et régulièrement, je fais des clins d'œil à la Beat Generation des années 50 jusqu'aux années 70. Ouais, ok. T'as passé, si, tu peux passer aussi nous faire un coucou, hein, on a tout le monde. Oui, avec grand plaisir. Tu as toujours ta place, hein, quand tu peux. De quand passer à Radio Métanoïa. Ouais, on a Métanoïa ici. Bon, aujourd'hui, c'est le vendredi parce que c'est les portes ouvertes. Mais sinon, c'est mercredi. Ouais, mercredi entre 15h30 et 18h. Et tu as Radio Schizophonia qui est le mardi maintenant, à 11h30 à la Colombière. Et jeudi ou vendredi, on fait la musique pour le film. Parce qu'on va faire un film qu'on va montrer en janvier. On est en train de faire un film pour janvier 2026. Donc, si tu veux te joindre à l'équipe de son du film, tu es bienvenu avec des poèmes. Tu as une voix radiophonique magnifique aussi. Merci beaucoup. En tout cas, on est content de voir la radio, ça fait quand même 4 ans qu'il y est. Et puis, il y a des gens qui viennent, qui vont, qui reviennent, qui vont passer, qui sont passés un moment, qui reviennent plus. Qui... Voilà, on est toujours là. On résiste. Oui, j'aime beaucoup faire des lectures de poèmes ou bien des lectures de certaines pages de livres qui m'ont touchée, qui m'ont parlé, qui m'ont émue. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui ou pas, ou tu as quelque chose en tête ? Aujourd'hui, non, j'étais plutôt sur la notion de confetti, de fête, de gâteau, d'être ensemble. Ah, mais c'est bien, tu pourrais nous parler un peu de ça bon, comme tu veux. Hein. Il y a des couleurs qui rappellent aussi un petit peu tout ça. On est dans un univers coloré. Et puis, dans la salle d'à côté, sont exposées différentes couvertures des journaux du vendredi. Et c'est aussi des univers très imagés, très colorés et avec beaucoup de dessins. Ouais, on invite tout le monde à venir, c'est jusqu'à 17h, la porte ouverte à la clinique du Bois de Bondy, 1315 rue Lucien Chaplin à Bondy. Voilà. Donc on est là, et puis on vous salue, on vous attend, venez nous voir, on est à la salle de la radio, on est là, on est le Métaniac, on est à nouveau sur le ligne, parce qu'il s'était coupé à un moment donné, le réseau, c'est un réseau limité des fois ici, hein. Mais voilà, on va mettre un peu de rap. Tu vas rapper un peu ? Là, on a la chance d'avoir des excellents rappeurs, improviseurs en live, là. Vas-y, maman, vas-y. Voilà. Ouais. Le voici, commencer tout doucement, prends le micro comme un pro. Avec la musique de pas à pas, ça ira parmi tous ces gens qu'ils connaissent. Tous ces gens que l'on vu grandir dans la tête. C'est ces gens qui l'ont brisé le test, ces gens qui l'ont fait le test. Avec ça, qu'est-ce que ça à faire? Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à prédire. Avec le micro, comme tu sais ici, tiens le micro avec les deux mains. Avec les deux mains ici, ça. Partir en freestyle, malgré tout ça, avec le micro qui est touché. Micro qui est touché dans les ondes, touché d'orgueil, touché par beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à prédire, comme l'avenir, tourner pire qu'un vautour, en bas des tours. Y'a des gens ici qui le connaissent, des gens qui le connaissent pas. T'as la mélodie, qu'est-ce t'en penses? Tout l'argent que je dépense, tout l'argent qui met en transe, tout l'argent ici qui met en transe. L'argent ici qui continue dans sa lancée. Le voici un jour finir à Bondy. On s'en dit la réussite, le voici, un mec de Tess. T'as grandi dans la Tess, un mec qui te blesse, un mec qui t'agresse. L'ami c'est, même tu sais, t'es pas assez. Beaucoup de choses à prédire, beaucoup de choses à dire. Tu bouges de gauche à droite, tu bouges la tête, c'est pas que la fête. C'est pas beaucoup de choses à dire. Avec le micro, comme tu sais, il tient le micro, la tête haute. Tu connais mon nom, tu connais mon prénom ici, avec le boulot qui est passé, avec tout ça qui est passé, avec tous ces gens qui sont trépassés, tous ces gens qui sont mélangés, tous ces gens qui ont crié au danger, tous ces gens qui sont mélangés, tous ces gens ici, voici. Avec la canache, le prix qui brille parmi tous ces gens-là, il brille la musique, il brille ses textes. Avec le microphone, avec le téléphone qui est tenu entre les mains. Pas que ça à dire, pas que ça à prédire pour l'avenir. Avec beaucoup de choses à dire, avec beaucoup de choses à prédire. Je te dis juste merci pour ces textes qui sortent de sa bouche. Très très très louche. Avec le micro, t'as un petit seil de louche. Il te tire d'en haut, il te tire d'en bas. T'as un petit seil, ça fait partie de la France d'en bas. Bravo, bravo. Bravo, merci, merci, bravo. Putain, je peux rappeler ça. Vas-y, vas-y, non, c'est Black Ace. Tu mets quoi? Drill, rap. Attends ça, non? Non? Ah, oh, j'ai mis du... Ah là là. J'ai mis des trucs là de... Alors, il y a Black Ace au micro là. C'est quoi ton prénom déjà? Patrick, t'as la voix tout à l'heure. Patrick quoi? Patrick seulement quoi? Ouais. Patrick, bienvenue. Tous les mercredis on est là, tu peux venir quand tu veux, tu as une super voix. Ouais. Merci de la montée. Ouais. Ok. J'ai la force, qui me détesteront les morts. Plus d'alpha dans ce corps, je n'aboie pas mais je mords. Je n'aboie pas mais je mords. Que faut-il pour s'en sortir? Trouver une porte de sortie. Que faut-il pour s'en sortir? Trouver une porte de sortie. Presque tout puissant. Presque tout puissant, sur scène rien n'est épuisant. La porte de la foi est ouverte, je tire le poignet puis j'entre. Puis j'entre, ok, ok, ok. Encore dans des bails. J'espère dire à mes soucis bye bye. Bye bye. Encore bye. Dans des bails. Bye bye bye. J'espère dire à mes soucis bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye bye. Il est temps d'être entreprenant. Il est temps d'être entreprenant, de prendre l'avenir venant. Il est temps d'être entreprenant, de prendre l'avenir venant. Ok, ok. J'illumine, j'allume, j'illumine ennemis et faux amis. La rue c'est la société, être ensemble c'est le procédé. C'est le procédé, c'est le procédé. C'est le procédé, c'est le procédé, ok. Yes, ok. Au top des les starting blocks, mon pote. Je suis au top depuis les starting blocks, mon pote. Je suis au top depuis les starting blocks, mon pote. Je suis au top depuis les starting blocks, mon pote. La question n'est pas de savoir où est le bonheur, mais avec qui partager son bonheur. La question n'est pas de savoir où est le bonheur, mais avec qui partager son bonheur. La question n'est pas de savoir où est le bonheur, mais avec qui partager son bonheur. La question, ok. La question. Ok. Ok. Bye bye bye. J'improvise là. Bye bye okay. Bye. J'improvise. Bye. Ok. Ok. J'improvise. Ok. Ok. C'est de la drill. Ok. Ok. Elle est finie l'instru ou elle continue? Ok. Non, est-ce que je peux faire encore? Ra, ok. Ra. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3 c'est colossal. Colossal. 9 c'est 3 plus 9, 3. Colossal. Ok, ok, ok. Ok. Il y a du monde sur la table. Il y a du monde autour de la table. Il y a du monde autour de la table. Obligé que je mette de la frappe. Y a du monde autour de la table. Obligé que je mette de la frappe. De la frappe. Yes I. C'est la survie. État précaire, il faut que je m'en sors. Un 10 sur 10, car je ne fais aucune fausse note. C'est la survie, état précaire, il faut que j'en sors. Un 10 sur 10, car je ne fais aucune fausse note. Ego trip ou test conscient, toi-même tu sais, je suis là. Ego trip ou test conscient, toi-même tu sais, je suis là. Ego trip ou test conscient, toi. Ego trip ou texte conscient, toi-même tu sais je suis là. Ego trip ou texte conscient, toi-même tu sais je suis là. Toi-même je dis je suis là. Je dédicace tous les métanoïas. Je dédicace tous les métanoïas. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. C'est Black Ace là qui chante. On passe, on fait des passes là. On impro. Moi. Deux mesures seulement. Mais seulement si notre ami en face y participe. J'ai oublié ton prénom. Deux mesures. Ouais. Parce que moi je vais me ridiculiser là. non, t'inquiète Adrien. T'inquiète. Est-ce qu'on. Prends un instru où t'es à l'aise sinon. Prends un instru où t'es à l'aise Adrien. Les boom bap. T'es à l'aise sur du boom bap toi? Bah ça a l'air plus. Ouais, je sais pas. Attends, vas-y. Si t'es à l'aise, mais du boom bap alors. C'est du rap old school. T'es à l'aise sur ça? Bah, je sais pas, moi je suis à l'aise sur rien, tu sais. Non, je fais semblant. Je te dévalorise. Deux mesures, ça veut dire deux lignes. Ouais. Tu connais. Je vais m'endormir. Tintin, passe le mic. Passe le mic. À droite, c'est Black S. Toi, c'est quoi? C'est une mesure, alors je sais déjà pas ce que je fais. Vas-y, Black S, prends le relais. Yes, je prends le relais. Parce que mon collègue ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, ok, je ne vais pas parler de faire. Et je vais plus le faire. Et j'envoie à mon collègue à côté. Commencez tout doucement. Voici ici, le micro est pris, incompris dans la tête. Commencez ici avec le micro, comme tu sais. Commencez là sans faire de blabla. Et j'envoie à mon collègue d'en face. En face. Ouah, y'a trop de niveaux, là je tombe de haut. Ouais, j'ai pas quoi dire, j'enchaîne, j'ai honte de moi. Vas-y, ça tourne à droite. Yes, ça tourne à droite. Tu sais que moi je me bats pour les droits. Et s'il y a trop de niveaux, c'est parce qu'il y a du monde ici. Donc, on représente à Evraville. Vas-y. Je me bats pour beaucoup de choses, me bats pour le niveau, me bats pour beaucoup de choses. Ici, qui improvise avec le micro, comme tu sais, c'est pas du rap français, c'est le rap MIC, le rap qui est devenu MIC. On se bat pour beaucoup de choses. Avant que le micro explose, je te donne ça. Avant que le micro explose, je te donne ça. Comme un microphone qui est tenu dans le téléphone, et ici tout le monde sonne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, que je passe après ça? J'ai en direct de Bondy, radio métanoïa, c'est ça. Création collective, tous ensemble. Le public me fout la pression, mais je continue de faire semblant. Yes, y'a pas de faux semblant, y'a pas de faux et des. Pas trop semblant. Parfois il faut les gars. Ok. Y'a un retour. Ok. Je ne manque pas de ressources. Ok. Y'a un retour. Je ne manque pas de ressources. Come back. Black is in the day. Yes. Je passe à mon collègue. Yeah. commencer tout doucement, comme tu sais, avec le micro, je me déchaîne avec briser mes chaînes ici. Me voici ici avec tout ça. Commencer avec le MIC, comme tu sais, c'est toujours pas tout le temps la même chose. Avant que le micro explose, je tiens ça comme un microphone. Le microphone qui est tenu entre les mains pendant toujours. J'ai oublié beaucoup de choses à dire, c'est grave ici, ça a beaucoup de choses à dire, je te prédis comme l'avenir. Ça, c'est le collègue, mon collègue d'en face. Et moi j'arrête, j'attends que CJ vienne à la renforce au rescousse. Même mes mots s'embrouillent sur la piste. Je vous promets, je danse mieux que je rappe. Mais je peux pas danser avec ce casque sur la tête en face du mic. C'est Black S qui met dans la sauce à chaque fois, il me demande de faire des feats. Et c'est trop dur pour moi, merde. Ouais, je repasse, hein. Ouais, mon gars, va. Je te demande de faire des feats. Si tu veux, on va au grec pour manger des frites, yeah, la rime est légère. La rime est légère. Les émotions, ah merde. La rime est légère, les émotions sont diverses. La rime est légère, les émotions sont diverses. Devant moi y'a un xylophone. Là je suis à la radio en mode stéréophone. Ok, on est en improvisation. Tout public est en admiration. On est en improvisation. Tout le public est en admiration. Maria Julia, yes, en synchronisation. En synchronisation, yes I. Pas je passe à mon collègue à droite. Yo. Parti en improvisation, beaucoup de questions sont posées, proposées. Les questions sont proposées, les questions sont déposées sur la table. Enfin, à côté de moi, il y a une guitare. Et c'est pas très très très rare pour s'élever le matin. Le matin, prendre le petit déj. Avec le matin, petit déjeuner. Toujours là, je te suis. Je te suis au microphone, je te suis au téléphone. Avec ça, je tiens toujours de la main gauche. Il tient pas de la main droite. Ici, tout le monde a des droits. Ici, c'est le fautif. Et avec le microphone, comme tu sais, c'est le rap français ou MIC. Le rap français est bien représenté. Aïe. Et moi, je suis fatigué, les gars. Je suis tendu. J'essaie de réfléchir à des trucs. C'est trop dur pour moi. Les mains dans les poches. Eh Maria Julia, on vous entend dans le micro ou pas? Je dis que les jeunes ils sont toujours fatigués. Et les hommes ils ont toujours les mains dans les poches. Ça veut dire que c'est des fagnons. Ah ouais. Il y a une veste. Il y a en mois de septembre ils ont une grosse veste. Il manque le damar. Une grosse veste. Enrôlé dans une grande bêche de l'hiver. Je vois personne avec les mains dans les poches ici. Qui veut venir faire un petit passe-passe parmi vous? Viens, qui veut venir faire un passe-passe? Qui veut venir? Venez. Il faut donner une pioche pour qu'il fasse le jardin. Venez. Qui veut tenter le passe-passe? Sandy the best pour les intimes. La prévention de bon. Yes. Prévenons tous les jours. Mais attention, tic-tac, c'est le week-end. Tic-tac, on doit faire un feat là. T'es prête, Sandy? Ouais. I'm ready. On a de la musique avec nous. Max qui? Stéphanie et Xylophone. Centre local de santé mentale. C'est si t'étais attendu au micro, je sais pas où tu es passé. C'est si elle se défile. Yeah. Tic tac, tic tac, c'est le week-end. Merci. La prévention commence la semaine prochaine. Tic tac, tic tac, c'est le week-end. Maintenant avec l'intelligence artificielle, yes. N'a pas besoin d'opération. C'est juste invention, l'intelligence artificielle. C'est fini la prévention. Une belle voix, une belle voix, une belle voix. On va vous présenter l'équipe de la prévention de Bondy. Okay, c'est parti, Stéphanie. C'est de la classe, c'est de la classe, Bondy. Voilà, Stéphanie, la diététicienne. Cécile de la CPTS Bobigny Bondy. Et Isabelle qui se cache au bout de la pièce, c'est l'organisatrice de la journée. Bravo à elle pour la journée du CLSN. Elle a organisé les cismes. Elle change de silo, c'est parti, Stéphanie. C'est mignon tout ça. Ça me plaît. Oublié mon shit qui est le mon dernier arrivé. Tic tac tic tac, c'est le week-end. Mon shit est en charge de la dynamique locale pourvu qu'il continue aussi avec le. Intelligence artificielle, la prévention, c'est terminé. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Tic tac, tic tac, tic tac, c'est le week-end. Tic tac, tic tac, tic tac, yeah. On n'a pas terminé car il y a aussi le service com. Tic tac, tic tac, la com. La com est Christelle tantôt. Elle a disparu, Christelle tantôt. Et notre son acolyte. Tic-tac, ils attendent le week-end. Tic-tac, tic-tac. Alors, on va vous souhaiter un excellent week-end. Je rappelle que c'est SML au micro. En ce vendredi, tic-tac, c'est le week-end. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Ouh, et ah je oui. Vous dis à bientôt. On est médecin nous-mêmes. Au revoir, au revoir, au revoir. On va passer le micro. Tic-tac, c'est le week-end. Au revoir, good beat, good beat. C'est mignon, vous avez une belle voix. Une belle voix. Ah oui, mignonne. Merci, merci. On dirait Mec Marie. Parle au micro, je n'entends pas. Je ne sais pas le nom de la fille Jean-Jacques. ton micro, sinon j'entends rien. Je sais pas dire. Je sais pas son nom. La voix de Jack Martin. Elle veut parler au marron. Tu peux continuer à rapper à. Ouais, ça va, beaucoup de choses à dire. Parle le micro. Cet instrument, je te montre, regarde. Ok, t'écoutes ? Attends, on va. Oui, Martine, assieds-toi. Ah, ok. Il y a un micro pour tout le monde. Ok. Pour celle-ci, c'est de la trappe. Je te montre comment on fait. Là. Je te montre comment on fait, tu vois. Moi, je suis artiste, moi. Je fais partie du personnel. On va la faire poser aussi, la brésilienne, après. On va la faire poser sur un instrumental. Donc, pour celui-là, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Regarde. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique. Tu vois le truc? Tu vois le truc? C'est la table là, tu vois? Le truc qui revient, tu vois? Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit. Pas besoin de buzz car j'innove. Un peu de com, un peu de somme, un peu de com, un peu de somme, un peu de com, un peu de somme, un peu de com, un peu de somme. Va me dire, charge du bruit, pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit, pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique charge du bruit, pas besoin de buzz car j'innove. Ma musique. Vas-y, essaye sur ça. Je suis malade, moi je suis pas rien. Malade. Écoute. Faut pas dire ça. T'es là pour guérir. De l'hôpital, c'est pour guérir. La mère, il arrive. Tu vas de nous en mieux. Tu dormis maintenant. Je suis pas dépuis. Tu dormis la nuit. Si tu dors le jour, tu peux pas dormir la nuit. T'as pas dormi le jour. J'espère qu'elle ne retarde pas parce que nous on arrête je pense qu'à 17h là. Genre s'il peut, tu vois, s'il peut nous appuyer hein, dans notre avis. Elle veut mettre ça ? Non, mais tu vois, je crois qu'elle aime pas, elle n'a pas envie de mettre le. Ça vous gêne le casque. Je suis malade, j'y peux rien, j'arrive pas, non, j'arrive pas. Mais faut pas la faire forcer, faut pas la forcer. Mais là, elle est avec nous, là. Vas-y. Attends, on t'écoute. Pas du bruit. Couche toujours, couche toujours, en temps gentil, en temps gentil, couche toujours, en temps gentil. En étant gentil, tu couches toujours. En étant gentil, tu couches toujours. Un peu avec nous, qu'il soit pas seul, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Ouais, mais des fois il faut pas trop forcer parce que tu vois, la tristesse ça prend du temps. C'est la saudade. Moi, Martine, c'est la deuxième fois que je vous vois à la radio. Est-ce que vous êtes déjà venu plus de fois ? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Mais aujourd'hui, je vais forcer pour venir devant tout le monde. Bon, bah bravo à vous. Et en tout cas, je suis ravi de vous voir, de vous revoir. Et vous mais j'en peux plus, je voudrais mourir, j'en peux plus. Vous voulez écouter une chanson, quelque chose qui vous fasse du bien? Je peux chanter une chanson. Tu veux, ouais, tu voulais aller chanter une chanson, peut-être. Tu voulais pas aller chanter une version? Je sais pas si elle aime, des fois je chante, elle s'en va. Samba? Elle s'en va. C'est pas ce que vous lui demandez, qu'est-ce qu'elle aime? Vous demandez qu'est-ce qu'elle aime, vous. Qu'est-ce que vous aimez comme musique française? Oh, je sais plus rien. Elle aime, on dirait qu'elle aime rien. Elle a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari, elle n'a de... jamais. Elle a divorcé. C'est pire avoir des maris et d'enfants. Oui. C'est vrai. Oui, c'est mieux seul. Hein. Bon, on va mettre un peu mieux. Un homme, c'est un fardeau. C'est Marie-Christine qui en parlait tout à l'heure. Bon, en tout cas, on est ensemble. Et c'est plus important cet après-midi. Au contraire. J'ai guéri, voir toute seule à pleurer. The revolution will not be brought to you by zero. Mélancolique. Alors, j'ai fait un effort pour venir. C'est ça que vous comprenez pas. Moi, je suis malade. Si, on comprend. Je suis passée par là. Oui, on comprend. On est là. Vous savez, on est tous un peu malades ici. C'est un lieu qu'on peut, on peut être malade. Et vous savez, le mot maladie, ça vient de maladire. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas bien dites. Et là, on fait de la poésie. Donc, on essaye de transformer les choses maudites en choses bien dites. Ah, vous voyez, des fois, il suffit de dire les choses autrement pour que ça aille mieux. Les choses maudites en choses bien dites. Est-ce que son psychiatre parle avec elle, la faire parler pour qu'elle pleure, pour qu'elle décharge son fardeau? Mais ça, c'est est-ce que son psychiatre... Ça, c'est notre technique, c'est la technique de la catharsis. Hein. Ça, on fait ça aussi, on fait différentes choses. Mais chacun soutient et appuie de sa manière, tu vois, à lui. Donc, c'est ça qui est important, qu'elle se sente qu'on est dans un lieu où on peut... On peut répondre les choses, qu'on peut un peu parler des problèmes autrement. Si vous voulez nous raconter vos problèmes, ou vos... nous on transforme les problèmes en poèmes. Voilà. Donc vous nous donnez un problème et nous on le transforme en poème. Prends le micro là. Nadine, ça fait du bien de lâcher tout. Faut toujours lâcher tout, comme le psychiatre. Lâcher tout, on est ouvert à tout le monde là. Mais j'ai raconté mes problèmes. Ce que ton français, j'étais angoissé, c'est quoi? Ce que ton français, mais le casque, c'est dans l'oreille, mais le casque. Non, elle veut pas. Hein. Faut pas la forcer, j'ai compris. Vous chantez, c'est pareil, elle s'en va. Oui. Elle aime rien. Moi, j'ai plus goût à rien, alors. Mais écoute, on est tous comme toi, à 50 ans. J'étais comme toi, j'étais déjà dit 50 fois. J'étais dans le coma, plus de moi, dans le coma, à Sevran. Robert Ballanger, un mois dans le coma, sans manger, sans rien. Ce serait maintenant, ils m'ont dit que je serais morte. Ils m'auraient dit, j'étais en coma. Non, je suis éternel. Marie, on va t'embaucher comme ambiance. On va t'embaucher d'ambiance. Prends le micro, Jérémy. Prends j'ai micro. Quelque chose en moi. Un ambianceur. En fait. Au Brésil, il n'y a pas besoin d'ambianceur. Il n'y a pas besoin d'ambianceur. Il y a déjà l'ambiance. Je suis trop, je prête, je parle au Dieu. Et je parle à Dieu, je demande à Dieu. Il me donne tout ce que je demande. Ouais, le Portugal, ouais, j'ai. Il me fait tout ce que je demande. J'étais chez la famille, j'adore le Portugal. On demande au Père, il nous donne tout ce qu'on demande. Bien sûr, il ne faut pas demander le château de Versailles. Mais un Père, on donne tout à son fils, à son fille. Moi, je demande à mon père, qui est notre père, qui est Dieu, qui est le Christ. Et donc, il me donne tout. Et je demande la santé. Je ne demande pas de fortune. Je demande le pain de tous les jours. Et la santé, l'amour. Monsieur M, plutôt. Monsieur M. La paix. Monsieur M, il aime quand c'est comme ça. Cacophonie. Yeah. C'est toujours comme ça. C'est elle, c'est toujours comme ça. Il veut pas se lâcher. Laisse-toi, Martin, laisse-toi. On va pas goûter. Ça y est, je dis que personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Je t'aime. Fils de Dieu, frère de Christ, parce que le Dieu est ses fils d'homme. Écoute, amen. Dieu soit loué. Allô? C'est comme ça. Personne t'aime, tu dis des bêtises, des sottises. Tu es comme tu es, je suis comme je suis. Chacun est comme. Hein? On n'est pas parfait, mais Dieu est parfait. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il est le seul au monde, le Créateur, et c'est lui qui a tout fait, le monde, le ciel et la terre, pour toujours. Amen. Musique. Mais elle est pas croyante. Alors c'est la force d'ors qui vient me chercher là. C'est des bêtises. C'est moi. Non, ça y est. Oui, mais c'est à l'église qu'on entend ça. J'écoute Radio Notre-Dame. J'aime, j'ai entendu des gens qui don, ils font des dons, 5 000 euros. Moi, j'ai donné 1 000 euros, ma fille, elle a cru que c'était... Ben, tu peux parler ici comme si tu étais à l'église, hein, ça n'a pas de souci. Hein. Non, mais à l'église, je ne parle pas, j'écoute. J'écoute. Je chante les chants, j'adore. J'ai m'éclaté à chanter là, à 2 semaines. Ouais. J'étais à l'église de Drancy d'abord à 10 heures. Ouais. Une messe à 10 heures, Drancy. Je suis venu à pied direct à l'église Saint-Michel. J'ai pris le ch'ti de pris le Seigneur 2 fois. J'ai dit, est-ce que c'est contre sa volonté? J'ai été à l'église, j'ai chanté, je m'éclatais. J'ai tout bien que j'ai écouté des choses. Mais Maria, et vous pouvez chanter quelque chose pour la... Qui? Toi, tu peux chanter quelque chose pour le Dieu ou c'est une chose en portugais que tu entends? Qu'est-ce que tu pourrais nous chanter, une berceuse pour la pour tous les gens qui entendent la radio? La folie feuille, parce que par la feuille je chante bien. Ben c'est pas grave, un truc improvisé. Je m'en rappelle là. Ça peut être en portugais aussi, hein? Oui, mais je sais pas tout. Je sais 3 ou 4 mots et après. Mais, ça serait... Ouais, mais ça peut imaginer ou inventer un mot. Ou ça peut être un mélange de portugais français. J'ai chanté une marpelle. De amour, de lumière, de notre paix. De lumière, de amour, de éternel. De amour, de lumière, de notre paix. Voici le vin, voici le pain pour la route qui vient de l'esprit. Je sais pas trop. C'est dommage que je vais prendre des feuilles la prochaine fois. Je prends jamais les feuilles. Ouais, et au portugais, vous connaissez quelque chose en portugais? En portugais, je vais pas aller à la messe portugaise. Non. Je vais pas à la messe ici portugaise. Je vais toujours à la française. Quand vous voulez. Saint-Michel. Hein. Patrick, tu veux faire un morceau de rap ou quelque chose? Inspiré merci, comme merci, ça? Merci, merci. Ou tu as besoin de musique derrière ou tu ma peux le faire. Je vais supporter. Nous comprendre. Ça peut être un mélange, hein, de musique religieuse. Essaye de me comprendre. Tous mes amis, essaye de me comprendre. Yeah, essaye de me comprendre. T'as pas rentré, il y a la place partout, là, ici. T'as peur de moi, tu veux pas m'entendre. Qu'est-ce que je te dis? Eh oui, voilà. Vas-y, Jérémy, tu l'interview. Ok, avant ça, je vais débuter par une petite musique. Sans un poème. Ok. Donc. T'entends, tu veux un casque ou ça va? Non, ça va. Donc c'est par rapport à la saison, un petit truc comme ça là. Nostalgie d'hiver. C'est bon là, je suis réglé? Ouais, attends. Nostalgie d'hiver en repensant aux saisons d'hier. Les mots coulent sur la rivière autant que l'océan de ma verve. Nostalgie d'hiver en repensant aux saisons d'hier. Les mots coulent sur une rivière autant que l'océan de ma verve. C'était pour introduire. C'était pour introduire. Maintenant, on commence. Donc, en fait, voici... Tu peux dire déjà qui est avec nous, parce que les gens qui écoutent la radio, ils savent pas. C'est ça. Donc, nous tous, on est des métanoïaques, en fait. Là, c'est le métanoïaque. Bah, explique qu'est-ce que c'est le métanoïaque, qui ne connaît pas. Vous connaissez la métanoïa? Non, justement. Vas-y, explique-moi. Donc, pour simplifier, c'est l'antonyme même de la paranoïa. Ouais. La paranoïa, c'est quand, par rapport aux autres... Mmh. À soi. Et la métanoïa, c'est un peu plus poussé, c'est par rapport à notre rapport avec l'au-delà, le méta, le spiritualisme absolu, Dieu, tout ce qu'on ne peut pas atteindre, mais qu'on l'atteint par méta. ouais. par le méta, par la, le, voilà cet état de ouais. métanoïa. C'est pourquoi on a intitulé la radio des métanoïaques. D'accord. Et dans le jingle, ça fait les métanoïaques qui font n'importe nawak. C'est bien comme jingle. Ouais, non, mais tu peux expliquer parce que au final, ouais, c'est méta, ça veut dire au-delà. Ouais. C'est un peu paranoïa, c'est contre la pensée, et métanoïa, c'est au-delà de la pensée. Donc on est les métanoïaques, on essaye de transformer un peu nos problèmes internes, on transforme nos problèmes en poèmes, en fait, ça. Voilà, donc voilà, la, madame, elle avait un problème, on l'a transformé en poème, elle aussi. Hein, chacun amène un problème et nous, on essaye de le transformer par des moyens sonores, musicaux, radioactifs, parce qu'il y a des gens dans la radio, dans ouais. tout, de, au Canada, en Belgique, dans toute la France, ah, au Chili, super. Au ouais. Mexique, qui nous écoutent. Ouais. Non, voilà, on a, mais on a la chance d'avoir monsieur le maire aujourd'hui de Bondy. Aujourd'hui, tu peux le présenter. Oui, merci de votre accueil. C'est ça, mais on n'est pas préparé pour les questions, donc on va faire. Ouais, déjà, tu peux présenter merci. Qui est là parce qu'on ne sait pas qui c'est. Ouais, voilà, donc on a. C'est moi. Vas-y, vas-y. Ouais. Donc on a. Je commence par toi. Non, par lui. Donc on a le maire, ici même aujourd'hui. Le maire de Bondy. Le maire enchanté, de Bondy. Merci de votre accueil à tous. Voilà, ouais. très bien. Merci. Tu veux prendre un casque si vous voulez, sinon c'est... Ça va, merci. Non, okay. c'est bon, merci. Et donc, tu peux présenter un peu qu'est-ce qu'on fait, et voilà, et poser okay. des questions. C'est toi qui... C'est toi qui m'aide. Interview, on n'était pas préparé. On n'est jamais, jamais préparé ici, hein, chose. Il faut improviser, okay, okay. c'est bien. Ok, ok, ok. Donc, l'équipe, donc voilà, on a Monsieur M, je l'appelle Monsieur M, parce qu'ici, on a tous des pseudos et plusieurs casquettes. Ouais. Monsieur M, de son vrai prénom Martin. Qui est ingé son psychologue et artiste. Ici, on a une usagée qui s'appelle. Julia. Vas-y. Julia, Julia. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en dire plus sur elle parce que sinon, si vous avez le temps jusqu'à minuit, oui. Ouh là là. Je vais peut-être pas quand même passer une ordonnance. Il paraît que je crois que je suis une comptable sans diplôme. Je fais la comptabilité maintenant. Je place ma fille. Donc ensuite, on a non. une autre usagère Pardon. Qui aujourd'hui est venue juste pour écouter. Et parce qu'en fait, c'est l'atmosphère qui, pour certaines personnes, ça les détend. Mm-hmm. Ça leur fait relâcher les colères, les haines et tout ça. Ils se sentent bien ici. On se connaît. Ah, oui, avec okay. Martine, on se connaît. Ouais. Je le connais bien. Quand j'étais bien, j'allais même pour le vote, je comptais les bulletins et tout ça. Mais oui, Martine, ouais, je me rappelle bien. Ouais. J'ai beaucoup aidé. C'est vrai. J'étais ouais. à la CNL et tout ça. C'est vrai. Ouais. À l'amicale des locataires. Oui. Avec Monsieur Cohu et tout ça. Oui. Monsieur Contos. Et oui, oui, je sais bien. Le directeur des HLM. Exactement. Ouais. Mais j'étais bien à cette époque-là. J'ai aidé beaucoup. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais vous pouvez toujours aider, en fait. C'est ça qui est bien. Et là, le fait que vous parliez à la radio, en fait, ça aide énormément. Exactement. Ouais. Pour les dames. Ouais. Moi, j'ai avec moi quand je sortais d'air. Exactement. Je veux être là, non, je veux me verrai pas tout de suite. Écoutez, excusez-moi de pas corter la parole. Je corte la parole. Je suis bien non-relogée. Ouais. J'aime ça parce que quand j'étais née, j'étais comme ça, non-relogée. Je suis bien ici, je suis personnelle et gentille et formidable. Je suis non-relogée. Manger, il lit. Je suis bien, j'ai le confort. Qu'est-ce que vous voulez de mieux au peuple? Demandez plus au peuple. Je reste là, non? Éternelité. Éternellement. Okay, okay. Pardon. Donc voilà. Et Martine aussi, on peut vous aider aussi. Hein. Il n'y a pas que vous qui aidez les autres. Nous aussi, on peut vous aider. Donc vous pouvez venir tous les mercredis ici. On peut aller là. Vous pouvez parler de vous. Et on peut aussi vous aider. Ouh là là. Ok, ouh là là. Donc. On a à côté Adrien, qui est le stagiaire psychologue de Martin, et qui nous aide beaucoup. Hein. Sa présence, elle nous apporte vraiment beaucoup, beaucoup. On n'a pas l'occasion de te le dire, mais franchement, on soutient en force. Franchement, tu nous apportes beaucoup, Adrien. Ah ouais, ouais. Donc. Patrick. Ah oui, Patrick. Tu connaissais les métanoïa avant d'être venu? Non, je ne connaissais pas les métanoïa. Et t'en penses quoi? J'attends ce que c'est bien. Tu ouais, serais c'est... prêt à revenir? Ouais, je serais prêt à revenir, ouais. C'est quelque chose de bien, quelque chose que j'aime et tout. C'est bien. Et tu fais une super musique aussi, hein, ça, j'adore comment tu fais là. Tu cries toi-même tes paroles, tu fais comment? Ouais, c'est mes propres paroles, mes propres textes, ouais, que j'écris. Ouais. Et tu écris comment? Tu t'inspires? Comment ça vient vers toi, les textes? Ça vient dans la tête et tout, ça m'inspire dans la tête. Ouais. Ouais. Ça, c'est tout l'effet tous les jours chaque... Oui, c'est lui, de tous les jours, je m'inspire. Bah, c'est très bien, c'est excellent ce que tu as fait. Alors, on va finir avec un petit morceau à toi. Oui. Ok. Ensuite, c'est l'équipe que vous-même vous connaissiez. Et on avait aussi quelqu'un, un habitué. Ah oui. Voilà, on a un autre Metanoia qui a énormément d'énergie, lui. Énormément d'énergie. Pour le moment, je vais laisser en mode off et manger ses gâteaux. C'est beaucoup mieux. Donc voilà la radio, les Metanoïaques. Ouais. On est une radio ouverte à tout le monde. Oui. Félicitations. Moi, je voudrais vous féliciter pour tout ce que justement vous faites. C'est une super idée de pouvoir animer comme ça cette radio. Et donc bravo et bravo Jérémy pour la présentation que tu nous fais de tous les membres qui sont autour de la table aujourd'hui. Et moi, je vous dis bravo à tous parce que cette radio ne peut pas exister sans ceux qui y participent. Ben c'est sûr. Ouais. Puis notre projet, c'est de pouvoir un jour peut-être diffuser sur les ondes FM, sur tout Bondy, et avoir comme ça un qui vous parlez un moment, que le chef de service, parce que ici, chacun, comme disait Jérémy, change de personnage. Le chef de service devient le chroniqueur de la gastrosophie. Donc il parle aux gens qu'est-ce qu'ils viennent manger. Ça change d'assiette, donc chacun prend un rôle, même si on est le chef de service, on est impatient, enfin, ici on laisse nos casquettes dehors et on devient des métanoïaques, comme disait Jérémy. Donc tout le monde est bienvenu, hein. Tout le monde soignant, soigné, dirigeant, pas dirigeant, malade, poète, tout le monde est le bienvenu, il a le droit à parler un petit peu de ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous dire quelque chose aujourd'hui, vous avez... Non, mais en tout cas, c'est une super idée. Alors, cette journée porte ouverte, elle est importante aussi, parce que ça permet de se rencontrer, de rencontrer tous les acteurs du territoire, et puis de faire en sorte que on puisse travailler à ce que monsieur, tout le monde se connaisse bien. Vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Stéphane Hervé, le maire de Bondy. Voilà. Je m'étais présenté avant que vous arriviez, ouais. C'est pour ça. Il est réveillé, il est réveillé. Voilà, c'est quelque chose de compliqué, mais en tout cas, il faut effectivement qu'on puisse travailler ensemble. Non, mais je suis tout à fait prêt à ce qu'avec les services de la ville, justement, on travaille mieux avec l'ensemble des services. Je sais que c'est compliqué. Que c'est compliqué. Bah, pour ça, tout à l'heure, on disait que ces portes ouvertes, ça permet de nous rencontrer, de travailler, et de travailler tous ensemble. Par exemple, Martine, je ne savais pas qu'il aidait beaucoup à la ville. Donc, oui. Voilà, il y a des choses. Chacun peut aider aux autres et chacun peut être aidé aussi par les autres. On est un collectif qui prend soin des autres. On est un corps commun. On n'est pas tout seul. On est ensemble. Voilà. Donc, On est un peu dans la locution latine, une main lave l'autre en fait. Une main lave l'autre, on est dans ça en fait. Donc on est là, tous les mercredis, on se retrouve à 15h30 jusqu'à 18h. Tout le monde est bienvenu, autant les gens qui sont hospitalisés, les familles, les amis, tout le monde peut rentrer. On a une autre radio à la Colombière, aux quatre cours de la République, qui s'appelle Schizophonia. Parce qu'on joue en fait Métanoïa pour la paranoïa et Schizophonia pour la schizophrénie. Et là-bas, on fait un film avec le cinéma de Bondy qui va être présenté début 2026. Donc, on va vous j'espère que vous serez là. Il faut effectivement qu'on puisse en faire la publicité et on sera là. Oui, évidemment. Et puis, c'est content de vous rencontrer aussi. Puis, quand vous voulez, on est là les mercredis. Si vous voulez venir, passer un message. Et les gens, je pense qu'ils sont très contents de vous rencontrer aussi. Hein, des fois, on est un peu éloigné, alors qu'en réalité, on veut travailler en proximité. On a des équipes au sein du centre municipal de santé qui sont présents aujourd'hui. Et donc, effectivement, il faut qu'on travaille tous ensemble parce que c'est important. Et puis, ça permet, le fait d'animer cette radio, ça permet de passer les bons messages, justement, de dire qu'on peut tous s'entraider. Uh-huh. Et donc, la ville de Bondy, pour cela, est tout à fait disposée à travailler avec vous pour passer les bons messages. J'aurais juste besoin de vous aller vous dormir. Le message est passé et oui, si on peut vous aider, il faut qu'on vous aide. Et donc, Par exemple, comme il vient, ça lui fait, en fait, quand il sort de dehors, il a une situation très très difficile. Et ici, c'est un havre de paix en fait pour lui quand il vient. Bien sûr. Un havre de paix, il peut communiquer comme bon lui semble. on va pas le restreindre, on va pas le censurer. Et si jamais il veut faire de la musique, on s'en moque qu'ils savent rapper ou qu'ils savent chanter ou autre, ou slammer. Non, c'est plus une forme de catharsis exutoire, tout ça, qui permet de vraiment évacuer et repartir avec vraiment des bonnes ondes positives. Tout à fait. Ouais. Maria voulait chanter. Est-ce que, pardon, excusez-moi, pas de souci. Est-ce que c'est un malade ou c'est quelqu'un qui travaille ici? Attention. Nous, on est tous malades. Il est malade. Il n'est pas malade. Mais lui, c'est un malade ou c'est quelqu'un qui travaille parce qu'il a... Merci de votre accueil. Je vais aller sur d'autres ateliers. Merci monsieur le maire, et bienvenue. Et puis à la prochaine. J'espère. Je vous enverrai par mail, comme ça vous pourrez goûter les émissions, puis qu'on ait contact. Merci de votre visite, et puis à tout bientôt. On va... Et Maria va nous canter Alléluia, là. Attendez, je vais... Non. Voici le pain et le vin pour la route. Le pain, le Seigneur, le pain de la vie. Dieu se donne en nous retour pour qu'on aille la vie éternelle. Au moment de se passer, le Seigneur... le Seigneur s'est fait... Seigneur, à jamais, voici le pain et le vin pour la route. Voici le pain et le vin pour la route. Le pain. Dieu se donne un nous retour pour qu'on aille la vie éternelle. C'est tout, je crois. Il faut que je prenne les feuilles. C'est... Je peux chanter Alléluia. Chantez, on vous écoute, là, c'est très bien. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Ça suffit, Amen. Merci. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Yeah, ok, il y a un interview, et c'est pressant. Donc, aujourd'hui nous avons Pauline. J'ai mis deux machins là. Et vous faites quoi, Pauline, vos activités? Alors, ici, je suis stagiaire et je donc pendant un atelier clown qui est le vendredi et qui est animé par Vanessa qui est à côté de moi. Voilà. Et en quoi consiste, pour ceux qui écoutent, cet atelier de clown, l'atelier clown? Vanessa, est-ce que tu veux l'expliquer? Attends, prends un autre micro. Prends ce micro-là, à côté, là, qui est là, s'il te plaît. Voilà. Ça marche? Ouais, ça marche. Attends, il y a un peu d'écho, mais ça va. Ouais, c'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, donc, l'atelier clown, on fait des jeux donc pour travailler sur les émotions. On est un petit groupe de personnes qui sont... suivi à l'hôpital. Et du coup, dans l'atelier, on fait des jeux, au départ, des exercices pour travailler la respiration, l'ancrage du corps, Voilà, donc Martine, elle a fait, elle peut parler un petit peu aussi comment ça a été pour elle tout à l'heure, si tu veux bien, Martine. Alors, j'ai fait 4 exercices, et puis après j'étais fatiguée, alors après j'ai regardé, mais je suis restée jusqu'au bout quand même. Ouais, tu as pu même faire l'improvisation à la fin, Martine, tu t'en souviens? Oui. Ouais, on a fait un passage ensemble, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, pendant les séances, donc on fait des jeux, et c'est comme Martine a dit, parfois les patients, ils peuvent faire toute la séance, ça dure 2 heures. Parfois, il peut faire un exercice. Voilà, après, on peut s'asseoir, on peut regarder aussi. Après, on peut se dire, tiens, je réessaye encore une fois un autre exercice. Donc, ce n'est pas obligé de faire tout dans l'atelier. Donc, déjà, d'être là, c'est super, comme c'était le cas de Martine la semaine dernière. Et donc, on fait des jeux qui vont travailler d'abord... tout l'ancrage du corps, des respirations, et ensuite des jeux qui vont travailler sur l'expression des émotions à travers le corps. Et après, dans la deuxième partie, on fait des improvisations. Mais je n'ai pas su faire. Eh oui. Sauf la dernière, j'ai fait. Ah bah tu as fait, c'était super en et plus. Après, on a fait un passage. Je ne pouvais plus faire parce que j'étais trop fatiguée. Ouais. J'ai trop de médicaments, je crois. Mais voilà, c'est pas grave si tu peux pas faire toute la séance. C'est voilà. Je participe quand même. Exactement, exactement. Et c'est ça le plus important aussi, c'est de pouvoir participer un petit peu dans. Pour venir, hein. Je fais beaucoup d'efforts pour oui, venir. Oui, oui, tout à fait. Et c'est super déjà de faire cet effort-là pour faire travailler un petit peu le corps, la respiration, prendre conscience aussi. Voilà, de l'état. Et le clown, ce qui permet, c'est exactement d'exprimer ce qui se passe avec nous dans le moment présent. Donc, toutes les émotions sont bonnes à prendre. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises. Moi, mes émotions, j'ai toujours pleuré. Alors, j'en ai marre. Moi, c'est toujours pleuré. Alors, tu peux aussi donner ça à ta clown. Comment ça serait une clown qui pleure tout le temps, Martine? Voilà. Vous, c'est pas si vous savez, mais vous avez vu le bébé, des fois, quand il pleure autant qu'il commence à rire. Ouais. Parce que les muscles de rire et pleurer profond ne sont pas loin. Donc, vous pouvez transformer votre pleur en rire. Ouais. Et même donner exactement le pleur à ta clown, tout simplement. Comment est-ce que ça serait ta clown qui pleure tout le temps? Ça pourrait être très, très, très marrant. Hein. Donc... Cool. Pardon. On va penser à ça la prochaine séance. On va penser à ça pour la prochaine séance, Martine. Vous voulez dire, Marie, un truc? Là, je sais pas. Pardon, j'ai pleuré beaucoup dans ma vie. Là, dernièrement, à 15 jours, j'ai pleuré beaucoup. Je me suis fait mon hypnose toute seule. J'ai pleuré beaucoup, j'ai commencé à rire beaucoup. Et je trouve que le rire et pleurer, ça fait partie de la vie. Le rire et le pleurer, c'est la santé. J'ai guéri toute seule. C'est pas un médicament qui nous guérit, c'est le temps, autant. C'est avec le temps, parce qu'un médicament, ça nous endort et c'est pas la santé. Faut avec le temps, rire, parler à quelqu'un qui nous écoute. J'aime bien qu'on m'écoute, j'aime bien parler, quand je pleure, ça me soulage, ça nous fait du bien à tout le monde, c'est un médicament. Et rire, pareil, ça fait, c'est un très médicament, rire, c'est formidable, parce que moi, avec mes soeurs, mes frères, je ris beaucoup, on s'éclate une nuit entière à parler, à rigoler, du temps passé, de l'avenir, de tout. Ils m'ont dit, au mois d'août, ma soeur Eugénia, avec ma soeur Jumelle, dit, tu es une bombe, toi, tu te rappelles de tout, tu sais tout. On m'en doute. Une soirée, un week-end, on s'est rigolé tout, ouais. C'est formidable. Donc voilà, c'est quel jour votre atelier clown, c'est ? Alors, l'atelier se passe tous les vendredis entre 16 et 18 heures. Voilà, donc c'est maintenant, en fait. C'est là exactement. Vous le faites ici ? Oui, dans la grande salle. Donc voilà, la salle tout le monde est bienvenu à ça. Et on va finir notre porte ouverte radio. En tout cas, enchanté, bienvenue. Très bien, merci enchanté, merci beaucoup. Vous venez à la radio quand vous voulez. Un jour, on peut faire une émission en commun, si vous voulez. Super. Et... Oui, comme ça, on pourra continuer l'interview, le prolonger. Et puis sinon, on pourrait venir, parce que dans les cadres de l'autre radio schizophrénie, on pourrait venir chez eux faire une émission de radio sur le clown, quoi. Voilà. Donc on va mettre une petite chanson et merci Vanessa et Pauline. Pauline, c'est ça ? Oui, Pauline. Enchantée. Merci à vous et bienvenue. Et puis à bien. J'ai toujours rêvé d'être fille au père. J'ai fait fille au père chez ma fille. Attends, j'ai pas trop. On s'est dit, écoute, mercredi prochain, on est là, comme tous les mercredis. Radio Schizophrénie. Radio, pardon, Métanoïac, ce qu'il faut laisser lundi soir. Et je vous dis bon week-end, que la paix soit dans le monde. Et à la prochaine. Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, coupe les boss super sapés, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon.